Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission de Ça roule radio, émission régulière cette semaine. Tout le monde est de retour et en studio, donc le son va être un petit peu mieux que l'émission de la semaine passée. J'espère que vous avez quand même apprécié. Attention. Oui. Tu sais, on n'est pas à la hauteur, on n'a pas une bonne qualité sonore. On se l'est fait dire cette semaine sur Magnéto, les podcasts québécois, on n'est pas bon, on n'a pas un bon son. On n'a pas 150 000 de budget non plus. Il faudrait travailler là-dessus, Marc. C'est ça, exactement. Mais il faut le préciser, là, c'est pas de notre faute, on s'en excuse. On se l'est fait dire par une journaliste. Les podcasts québécois actuellement, si vous n'êtes pas subventionné à hauteur de 100 000 $ si vous n'êtes pas associé à Radio-Canada, vous n'êtes pas un bon podcast. Dites-le et apprenez-le. Mais tu sais, au moins, on le réalise, donc on le sait. Donc c'est peut-être déjà mieux. T'sais. Ouais, c'est parce que j'aimerais mieux avertir nos auditeurs qui comprennent aussi à quel point nous, on n'est pas vraiment, on n'est que des amateurs là-dedans. Ouais, c'est ça. Ici, pas Radio-Canada. Donc, exactement. Donc, vous avez reconnu mon copain, ami et journaliste automobile, Marc Bouchard. Salut, Marc. Salut, mon cher. Excuse-moi, c'était une petite montée de lait ce matin. Là, faut expliquer aux gens qu'il y a un article qui a été publié sur le plan culturel numérique cette semaine qui explique que les podcasts, ça commence à peine et que, il y a effectivement des podcasts qui sont en cours de développement, qui sont de très bonne qualité, mais pour lesquels il y a eu beaucoup de subventions et d'aides financières qui ont été données et ils ont une qualité sonore absolument incroyable, ce qui n'est pas notre cas vraisemblablement. Mais personne, elle ne parle jamais de la culture podcast qui existe pourtant, et nous, on a des milliers de personnes qui chaque semaine nous écoutent, et il y a des centaines de podcasts comme le nôtre au Québec qui font des efforts. On est là pour partager notre passion, on est là pour démocratiser l'information qu'on a, et on n'est même pas considéré dans ce cadre-là. Je suis désolé, il fallait que j'en parle. Ouais, c'est, j'ai fait ma petite montée de lait, moi aussi, hier. J'ai écrit un texte sur ma page Facebook en disant, tu sais, c'est bien beau, là, mais à la base, le podcast, c'est fait par passion. C'est pas fait pour l'argent, c'est pas fait pour devenir millionnaire, puis c'est pas fait, tu sais, c'est fait pour le plaisir. Puis ça donne un micro aux gens qui ont pas la chance de faire de la radio commerciale non plus. T'sais, moi, j'ai toujours rêvé de faire de la radio depuis que je suis tout petit. Puis ben c'est plate, j'ai pas étudié là-dedans, j'ai pas ma chance à la radio non plus. Donc j'ai parti un podcast, puis j'adore ce médium-là. Fait que me faire dire ben c'est plate, mais vu que t'as pas 150 000 piastres de budget pour t'acheter de l'équipement puis finir, puis avoir un studio complètement insonorisé, puis toute la... t'es pas bon, ben je trouve ça un peu poche. Mais d'un autre côté, Faut dire, là, l'article est vraiment pas recherché. C'est une publicité pour les podcasts de Radio-Canada, finalement, parce qu'on parle de la sphère, puis on parle de podcasts qui viennent de Radio-Canada. Puis on s'entend-tu que Radio-Canada, avec le budget qu'ils ont, qu'on paye de nos taxes en même temps, là, je veux dire, ils peuvent avoir et ils se doivent d'avoir un son irréprochable. Là. Mais bon, moi, je le dis, je fais ça par passion, je fais pas ça pour l'argent. On n'a aucun commanditaire, on vous met pas de la pub d'en face à tous les deux minutes, à tous les cinq Attends, minutes, à part ça, quand c'est à la radio, que... ça c'est les radios, c'est d'autres choses par exemple. C'est ça, mais ça je suis obligé de te dire que si j'avais l'occasion, peut-être qu'il y aurait un peu de commandite parce qu'on n'aillerait pas ça pour pouvoir se payer des micros de meilleure qualité aussi. Oui, mais moi j'ai déjà un bon micro, j'ai déjà un micro que j'ai acheté il y a longtemps parce que je voulais avoir une qualité sonore quand même potable. Mais bon. Tout ça pour dire en fait que c'est pas... L'idée, c'est que nous, on pense qu'un podcast, c'est juste le fun à faire. Ça nous met en contact avec des tripoteurs comme nous, on l'est. Et puis, c'est ça qu'on a. Nous, on a l'occasion, moi, entre autres, comme journaliste, et toi aussi, d'avoir accès à des informations et à des bidules que les autres n'ont pas. On partage ça avec les gens. Si vous aimez ce qu'on fait, faites juste nous le dire, faites juste nous écrire, faites juste en parler sur Facebook, juste parce que c'est la seule paye qu'on a puis qu'on trippe à faire ce qu'on fait. Fait que, écoutez, il fallait le dire parce que la culture du podcast, je pense, est très, très active au Québec. Et je pense que nous, on en fait partie et on en est très heureux. Ouais, il y a plein de bons podcasts à découvrir québécois, donc allez faire un tour. Mais il y en a juste un très bon en automobile, puis c'est Ça roule radio, évidemment. Ouais, je pense qu'il y en a juste un. Fait que c'est pas pire. C'est facile. C'est pas péter ma bulle. Marc, avant de commencer, t'as gagné un prix. Félicitations. Merci beaucoup. Je suis très, très, très, très, très content de ce prix-là. Ça s'appelle Saroule.tv. C'est une émission que j'anime, que je co-anime sur Cogeco Télévision. Si les gens ont le réseau Cogeco, ça va. Sinon, vous allez sur marcbouchard.ca. Je mets quelques-uns des épisodes là-dessus. C'est une émission vraiment où je m'amuse. Autant que je le fais avec le podcast, autant que je le fais avec l'émission de télé. Et j'étais en nomination comme la meilleure émission de service dans le cadre du gala Cogeco qui réunissait tout le monde. Et on a gagné. À ma grande surprise, je dois le dire, quand on a gagné, je suis allé faire les remerciements et je ne savais même pas quoi dire. OK. Ce qui, C'est dans ce qui mon est cas, est très rare. décevant. C'est presque un exploit en tant que tel. Effectivement. Alors, non, j'étais vraiment, vraiment très heureux de ce prix-là parce que c'est vraiment une émission qu'on a tenue à bout de bras. Les gens de Cogeco m'ont appuyé énormément. Joanie Duquette, qui est ma co-animatrice, a fait un job incroyable. Émilie Bolduc, qui a fait la première saison avec moi. Et Dave Bolduc, qui est mon réalisateur, qui est un maniaque de char, qui nous écoute d'ailleurs le podcast quand il est sur la route, qui est un tripeux de voitures de façon incroyable, qui connaît ça. Alors, on a vraiment beaucoup de plaisir à faire cette émission-là et je pense que c'est une belle reconnaissance. En tout cas, moi, j'étais très, très, très content de recevoir le trophée que j'ai placé en bonne position. Et non, c'est pas vrai, malgré la photo que ma femme a publiée sur Facebook, c'est pas vrai que j'ai dormi avec le trophée, je tiens à le préciser. Je suis pas sûr. Parce qu'on Je suis avait plus du juste un lit genre à double. croire à ta femme. Non, c'est parce qu'on avait juste un lit double. Il n'y avait pas de place pour ma femme et le trophée. Fait que j'ai mis le trophée sur sa petite Ah, ok. table. C'est bon. Donc, Marc, ben encore félicitations. Je trouve que c'est le fun d'être reconnu comme ça. Peut-être un jour, on gagnerait un prix du podcast de l'auto de l'année par les podcasts de l'auto. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Un jour. On pourrait peut-être s'en donner un. On va se faire faire un trophée, toi puis moi. C'est ça, puis on va se le partager. Je vais te le présenter. Fait que c'est bon. Donc, on va passer à le premier sujet. On va avoir plein de sujets cette semaine. On va avoir une chronique nouvelle avec Samuel Lessard. Marc, on a des essais. Moi, je vais parler du Kia Soul SX Turbo que j'ai en main cette semaine. Toi, tu vas nous parler de quoi? Je vais te parler d'un véhicule qu'on ne parle jamais, le Ford C-Max Energy. OK. Qui est un bon véhicule. C'est quand même assez Écoute, bien. Je l'ai conduit il y a quelques années. ben c'est exactement ce que tout le monde a fait. Ils l'ont conduit il y a quelques années. T'en parles aujourd'hui, puis personne n'est capable de te dire à quoi ça ressemble. Ouais, c'est ça. Puis Fait qu'on va en parler tantôt. on va terminer avec ton voyage que tu as fait avec Mercedes-Benz, le tour du Canada vraiment d'un bout à l'autre. Voyage qui était assez intéressant. Fait que j'ai hâte de t'entendre là-dessus. On va commencer juste avec quelque chose. La semaine passée, vous le savez, on était au salon du véhicule électrique. J'étais avec Martin, on a fait une émission spéciale, plein d'entrevues et tout ça. On a eu les résultats d'achalandage du salon. C'est quand même bien. Il y a 18 721 personnes qui ont passé les guichets. Ils ont eu plus de 1 200 essais routiers qui ont été réalisés avec les représentants des concessionnaires, les manufacturiers, tout ça. 2 500 essais de petits véhicules électriques, vélo, moto, scooter, overboard, puis le fameux Swin Car. On a aussi, ils disent là, dans leur communiqué qu'ils vont très bientôt annoncer les dates pour le salon de l'année prochaine, parce que le salon va revenir l'année prochaine. Et on a eu en primeur de M. Bernard, qui est l'organisateur du salon, c'est quoi les dates pour l'année prochaine. Donc, attention, pour 2018, c'est le 20, 21 et 22 avril. Donc, 2018, ça devrait toujours être à la place Bonaventure. C'est pas mentionné, mais j'imagine que c'est un endroit qui est quand même assez grand pour avoir ce salon-là. C'est très bien fait cette année, là. Et puis, le 22 avril, c'est le jour de la Terre, donc ça tombe bien. Le 22, la dernière journée du salon, qui va être le dimanche, j'imagine, c'est le jour de la Terre. Donc, ils vont travailler pour faire de la promotion là, un peu avec le salon et le jour de la Terre et tout ça. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est un très beau salon. C'est un salon qui était bien organisé. J'ai rencontré plein de gens intéressants là-bas. J'ai resté surpris de voir Johnny Paiva de Nissan Canada, le président de Nissan Canada, à un salon comme ça. Pas pour dénigrer, mais c'est un petit salon. T'sais. C'est pas un salon international, c'est pas Toronto, c'est pas. Mais de le voir là, ça démontre un peu le sérieux de Nissan envers les voitures électriques, l'électrification de leur transport et tout ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'ils prennent la peine d'annoncer qu'ils allaient importer eux-mêmes et faire certifier des voitures, des Leaf américaines pour les revendre aux Québécois pour l'espèce de rabais de 4 000 $. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de Nissan, là. Là, je vais encore faire le rabat-joie, tu sais, c'est ma spécialité. Oui, on le sait. Vieux bougon. 18 000, c'est 7 000 de moins que les billets qui avaient été réservés sur le site. Ouais. Hein? On va se dire ça tout de suite. Donc, les gens qui avaient réservé leur billet gratuit, c'est 7 000 personnes qui ne se sont pas présentées. Ça veut dire qu'on n'a pas attiré vraiment de nouvelles personnes, de nouveaux visiteurs au fil des semaines. Quant à Nissan, je suis très heureux qu'ils aient choisi le Salon Montréal pour le faire. Je trouve ça juste plate que Nissan n'était pas un partenaire du salon. Ouais. Le seul constructeur qui l'était, c'est Ford, Ouais. alors que Nissan ne l'était pas. Oui, ils en ont profité, c'est sûr. Ils se servent de l'événement pour se mousser un peu parce qu'ils savent que c'est une clientèle qui est particulièrement sensible à ça, mais ils n'étaient pas partenaires du salon. Alors, c'est le fun de faire ce qu'on appelle du piggyback, là, de se promener sur le dos d'un événement. Il faudrait peut-être prouver au salon qu'on l'endosse pour vrai, si on veut s'en servir et devenir un vrai partenaire. Ça, c'est ma façon de penser. Quant à l'idée d'avoir un salon comme celui-là, écoute, je ne peux pas être contre la vertu. Tout le monde est d'accord à dire que c'est une bonne chose. Je suis le premier à le dire. Mon seul vrai bémol, en fait, c'est que ça commence à avoir tendance à se multiplier, ce genre de truc-là. Tu as les événements branchés vous, il y en avait un qui se tenait dans la région de Québec en même temps, où on fait des essais de véhicules électriques. Tu sais, ça devient un peu une épidémie, là. Alors, je pense que le salon, oui, le promoteur Louis Bernard t'en a parlé, son associé, ce sont des promoteurs expérimentés, des gens qui sont habitués de faire des grands salons. Ils font le grand salon des vins, entre autres, à l'automne. C'est des gens qui connaissent bien l'organisation des salons et je pense qu'ils l'ont prouvé. Ils ont fait un beau travail, mais il va vraiment falloir réunir tous les intervenants autour de la même table et être capable de dire, bien, on fait un beau gros salon des trucs électriques, parce que je ne parle pas juste de voitures, mais bien de, comme tu l'as mentionné, de tout ce qui était électrique, là. Oui, des vélos, des bateaux, il y avait toutes sortes d'affaires, là. C'est ça. Alors, je pense qu'il va falloir trouver une façon de réunir tous les intervenants autour de la même table et dire, écoutez, on se fait un vrai beau gros show, là, et là, ça va valoir la peine. Mais 18 000, pour une première année, c'est pas vilain, mais c'est l'équivalent d'un salon régional. C'est vraiment, on n'est pas dans la grande passion. Et ça m'étonne un peu parce que, honnêtement, j'aurais cru qu'un événement comme celui-là. Tu sais, tout le monde parle juste de voitures électriques, là. Alors, j'aurais cru qu'un événement comme celui-là tirerait davantage. Bien content du résultat, j'aurais souhaité le double de ça pour que ce soit vraiment efficace. Ouais, ben, j'imagine l'année prochaine aussi, il va peut-être avoir. Ce qui n'a pas aidé, c'est que le salon a changé de date aussi, dû aux rénovations puis à la construction alentour de la place Bonaventure. C'était supposé être en avril cette année aussi, si je me rappelle, puis finalement, ça a été reporté. Mais bon, l'année prochaine, ça va être en avril. On va pouvoir en parler un peu plus d'avance, tu sais, mousser un peu plus la chose de notre côté aussi, parce que c'est un peu notre travail aussi de conscientiser les gens qu'il y a des salons qui ont rapport à l'automobile, tu sais, que ce soit le salon de l'auto de Montréal ou le salon du véhicule électrique ou des choses comme ça. Fait que l'année prochaine, on va pouvoir en parler un peu d'avance et non pas comme sur le fait et après le fait, là. Mais j'ai resté surpris quand même parce que nous, on avait l'avant-midi média. Et puis, quand on est parti du salon, moi et Martin, il t'avait une lignée de monde qui attendait pour rentrer. Ça avait l'air d'un concert rock, là. Il y avait des gens, là, ça s'allait jusqu'au guichet d'attente. C'était vraiment une ligne assez longue. J'ai resté vraiment surpris que le vendredi à 1 h, là, il y avait tant de gens que ça qui attendaient pour rentrer. C'est probablement les premiers passionnés, là, ceux qui voulaient être les premiers là. Ça s'est Ben, en peut-être fait, calmé le un peu problème après, là. actuellement de tout ce qui est électrique, c'est qu'on est justement encore à l'ère des early adopters, là, de ceux qui sont les premiers adopteurs de toutes les nouvelles technologies. C'est encore ces gens-là qui sont les plus passionnés, donc c'est normal un peu qu'ils se retrouvent en ligne pour aller attendre à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Puis dernière chose, je vais dire là-dessus parce qu'il faut qu'on passe au prochain bloc, là. Je trouve vraiment le gouvernement du Canada était là, a dit qu'il allait bon s'impliquer puis aller voir puis faire des plans puis tout ça, mais ça serait le temps là, que le Canada se déniaise un peu là, puis mette eux aussi un rabais. Je parle pas un rabais de 8 000 $, mais donne un rabais de 1 000 à 2 000 $ pour l'achat d'un véhicule électrique. Ça va encore aider les gens à peut-être se décider. Puis d'un autre côté aussi. Ben là, le gouvernement du Québec a comme parlé un peu, mais ils n'ont jamais parlé de peut-être, tu sais, mettre le plan à jour pour aller rejoindre ce que l'Ontario fait, parce que l'Ontario est beaucoup plus généreux que le Québec, là. Mais ils viennent de le Mais mettre à jour, là. ben ouais, c'est ça. Mais là, on est à 8 000, puis l'Ontario est à 14 000 pour un véhicule complètement électrique, tu sais. Fait que peut-être qu'il faudra regarder ça à un moment donné, puis essayer d'égaliser, ou bien ça va peut-être être à la prochaine refonte du plan, je pense, en 2020 ou quelque chose comme ça, là. C'est ça. On verra ce qu'ils feront là-dessus. Donc, beau salon, bravo pour les organisateurs, et puis ben on va se revoir sûrement l'année prochaine. Donc, c'est ça, Marc, on va faire une pause, puis on va revenir tout de suite avec une chronique que j'ai enregistrée avec Samuel Lessard, c'est sa chronique de nouvelles. Alors, nous sommes de retour et c'est l'heure d'aller rejoindre Samuel Lessard pour sa chronique nouvelle. Salut Samuel. Salut Luc. Ça va bien? Oui, en pleine forme, toi aussi? Bien sûr. C'est l'été, Good. des fois il fait beau, des fois il fait pas beau. On sait pas. On prend ça comme ça vient. On dirait que la nature est un petit peu bipolaire ces temps-ci, Ouais. mais en autant qu'elle nous donne un beau mois de juillet, août, là, même juin, on va être content. Ouais, on est quand même encore au début de l'été, là, fait que soyons patients. Ouais, autant qu'on a un été, tout va être correct. C'est ça, exactement. Ça prend une raison pour le monde de sortir le convertible. C'est ça, ah, exactement. Donc, Samuel, tu as pas mal de nouvelles pour nous. Tu vas commencer avec quelque chose sur BMW. Oui, effectivement. Il y a quelques semaines, je vous parlais de BMW qui retirait le coupé de série 6 de son catalogue. Eh bien, quelques jours après, au maximum une semaine après qu'on ait sorti cette nouvelle-là, ben, on apprend que BMW sort un autre coupé, série 8 cette fois-là. Ça vient remplacer, là, dans le fond, si on veut, la série 6 coupée. Ceux qui se rappellent, il y avait une série 8 des années 90, là, la 850, une espèce de grand coupé, deux portes, là. Donc, BMW a annoncé qu'il sortirait cette voiture-là en 2018. Immédiatement après, il va avoir une version M8, donc une version de haute performance de ce coupé-là. Et l'année d'ensuite, il va avoir une version cabriolet. Il y a quelques images qui ont filtré sur Internet. En fait, il y a un concept là, qui a été sorti. Donc, on voit bien de quoi aura l'air cette voiture-là. C'est une voiture qui est quand même très élancée, avec des lignes assez futuristes. Puis ça nous donne une bonne idée sur ce que va avoir l'air les prochaines, de ce qu'auront l'air les prochaines BMW dans l'avenir, là, avec une grille à l'avant qui est plus grosse, des phares plus effilés. Donc, ça donne une bonne idée de la direction stylistique que prendra BMW dans l'avenir. C'est bien. En autant qu'ils sont capables de garder le petit esprit de voiture amusante à conduire, là, parce qu'ils ont perdu un peu ça dans certains modèles. Les gens se plaignent un peu que c'est pas ce que t'as c'était. Raison. Là. Ouais, effectivement, les gens se plaignent un peu que c'est pas ce que c'était, mais BMW avec cette voiture-là, ils ont vraiment dit que c'était une voiture qui viserait à aller chercher vraiment l'essence de BMW, c'est-à-dire les performances, le plaisir de conduite, vraiment raviver ça dans une gamme de produits plus sportifs, disons. C'est bon. Il y a aussi une nouvelle sur Geely qui achète Proton et Lotus. Geely, si je me rappelle bien, c'est pas eux autres qui ont acheté Volvo? Oui, exactement. Geely, c'est une compagnie chinoise qui a acheté Volvo en 2010. Eh bien, tout récemment, ils ont acheté deux autres entreprises pour poursuivre leur expansion. En fait, ils ont acheté Lotus, qui est une compagnie de voitures de sport qu'on connaît bien ici au Canada. Mm-hmm. En fait, c'est quand même c'est quand même des véhicules assez de niche, disons. Mais c'est une compagnie qui est offerte au Canada depuis longtemps. Et puis, ils ont acheté aussi, Geely a aussi acheté la compagnie thaïlandaise Proton. Donc, pour faire une petite histoire courte, là, Lotus, en fait, c'est une. Ils ont acheté 51% des parts de Lotus. Et donc, ils deviennent actionnaires majoritaires dans Lotus. Ils vont vraiment reprendre le contrôle de ça. Mm-hmm. Et pour ce qui est de Proton, ben, ils ont acheté 49,9% du constructeur thaïlandais. Proton, pour faire un bref historique, c'est une compagnie qui a été produite, qui a été lancée en 1983 par le gouvernement thaïlandais dans le but de relancer l'économie de ce pays-là. Dans le fond, c'était pour donner une tâche aux travailleurs de la Thaïlande pour vraiment créer une espèce de projet de société, dans le fond. OK. Mais au fil du temps, il y a eu des problèmes financiers. Tout ça a été racheté par des consortiums privés. Et puis là, ben maintenant, c'est Geely qui vient injecter de l'argent là-dedans parce que la compagnie était en problème financier, là. Donc, ce que ça veut dire pour Geely, en fait, c'est... Ben, en fait, ce pourquoi je trouvais que cette nouvelle-là est importante, c'est qu'on constate vraiment l'évolution des Chinois dans le domaine de l'automobile. Il y a eu Volvo en 2010. Maintenant, avec Lotus... Geely se dote vraiment d'une compagnie qui est en mesure de produire des voitures de sport. Et d'un autre côté, avec Proton, ben, ça va leur ouvrir le marché de l'Asie de l'Est, un marché dans lequel actuellement Geely n'a pas de véhicules en vente là-bas. Là. Ouais. Donc, cette compagnie chinoise-là prend de l'expansion et puis tout ça. Puis on le voit avec les Volvo récentes, là. C'est des voitures qui sont très sérieuses, là. C'est sûr que tu vas me dire peut-être que ça conserve quand même l'essence suédoise, puis c'est pas des voitures chinoises à 100%, là, les Volvo. Mais il reste que faut quand même prendre au sérieux les constructeurs chinois qui vont nous apporter des véhicules dans les prochaines années. Ouais, ben, faut donner crédit à Geely qui laisse un peu. La compagnie faire ce qu'ils veulent. T'sais, Volvo, ils ont laissé carte blanche à Volvo pour être capable de redessiner les voitures puis lancer des produits sérieux. J'ai l'impression qu'ils vont faire un peu pareil à Lotus, mais au moins, t'sais, Lotus, c'est une compagnie qui en a arraché dans les dernières années. Ils ont fait faillite. Ils ont eu des problèmes avec le PDG, puis t'sais, ils ont eu beaucoup de problèmes dernièrement. Une compagnie qui ne savait pas trop où ce qui s'en allait. Mais là, en injectant des fonds, en ayant des gens sérieux en haut, puis qui sont capables de donner des directions, puis t'sais, on s'entend, Lotus ont toujours fait des véhicules qui sont assez sexy, là. C'est des voitures qui sont magnifiques. même s'il s'en vend pas 20 000 par année. Là. Non, c'est ça, effectivement. Fait que ça devrait être une bonne chose pour Geely et pour Lotus. Proton, ben, c'est une compagnie qui a l'air un peu marginale. Fait que peut-être oui, ça va c'est être. Marginal. C'est peut-être la compagnie que Geely peut prendre puis vraiment remodeler à son image là, pour faire quelque chose de totalement différent puis de nouveau puis laisser un peu Lotus puis Volvo jouer dans leur propre cours. Ouais, ce que je trouve intéressant là-dedans aussi, c'est qu'il va vraiment avoir un partage de technologie puis un partage des expertises en termes de recherche et développement. Lotus n'a pas la même expertise que Volvo a, que Proton et que Geely a. Donc, ils ont vraiment une expertise qui va pouvoir être mise en commun puis développer des technologies puis des produits qui vont pouvoir se retrouver dans toutes ces marques-là, dans le fond. Ouais, peut-être pouvoir se compléter. Oui, tout à fait. Ouais, ça va être intéressant, hâte de voir. Oui, ça va être un dossier qui va être à suivre. Il y a aussi Dubuque Motors qui va produire la Tomahawk. Oui, effectivement. Dubuque Motors, c'est une compagnie québécoise qui est basée dans la ville de Québec. En fait, depuis 2004, là, les ingénieurs de cette entreprise-là, les propriétaires, tout ça, s'affairent à développer une voiture électrique. Et on a appris tout récemment que cette voiture-là allait entrer en production pour l'année modèle 2018. Je vous donne les caractéristiques brièvement de cette voiture-là. Donc, ça va être une voiture de sport entièrement électrique. Donc, on parle d'un châssis et des éléments de carrosserie qui vont être en fibre de carbone. Elle va être motorisée par 4 moteurs électriques qui vont développer un total de 800 chevaux et 1000 livres-pieds de couple. Ça commence à être quelque chose. Traction intégrale, 0 à 60 000 à l'heure, donc 0 à 96 km/h environ en 2 secondes. Mm-hmm. Des portes de type Lamborghini là, qui lèvent vers le haut. Ouais, des portes ciseaux là, qui des lèvent ciseaux, un peu papillon, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, vraiment une voiture de sport. Ça va être une voiture 2 plus 2, donc 4 places. Là. Et on parle de quelques centaines d'exemplaires qui seront produits pour l'année prochaine, qui seront vendus dans les alentours de 125 000 $ américains, ce qui équivaut à peu près à 165 à 168 000 $ canadiens en dollars d'aujourd'hui. Je trouve ça pas si cher que ça. Je regarde quand même. C'est sûr, c'est pas dans mes moyens. Là. Jamais il va y avoir une Tomahawk dans mon entrée parce que je n'ai pas les moyens de m'acheter ça. Mais ça reste un véhicule intéressant. C'est un 2 plus 2. Donc, bon, deux adultes, deux enfants ou deux personnes, deux adultes que tu n'aimes pas trop assis en arrière. Ouais, c'est ça. Accélération, c'est incroyable. 125 000, bon, US, 168 000 canadiens. Ça paraît élevé, mais si tu regardes, c'est à peu près le prix d'une Model S P100 tout équipé, probablement. Ça doit jouer dans ces eaux-là. C'est à peu près dans ces eaux-là, effectivement. T'sais, mais là, tu parles d'une voiture de 800 chevaux avec une accélération assez incroyable. Probablement, c'est une voiture de sport en plus. Ouais. Je trouve que c'est pas exagéré, même si, bon, je trouve ça un peu plate que qui dit voiture électrique dit toujours voiture de niche, voiture pour gens riches. Là. Mais quand même, je trouve ça bien. Mais c'est une belle avancée aussi. Il y a un chiffre que j'ai peut-être oublié de mentionner, c'est l'autonomie de cette voiture-là. J'ai pas le chiffre exactement en tête, mais c'est plus de 500 km l'autonomie annoncée. Ouais. Donc, ça bat tout ce qui se fait actuellement en termes d'autonomie électrique. Là. Ben, c'est-à-dire ça bat. Ça équivaut ou ça bat ce qui se fait actuellement comme autonomie électrique du côté, par exemple, de Tesla ou de Chevrolet avec la Bolt, tout ça. C'est sûr, c'est pas le même type de produit. Là. Non. Mais il reste que l'autonomie électrique va être là quand même dans la Tomahawk. Oui, mais si tu utilises beaucoup ton 0 60 000 à l'heure et tes accélérations fulgurantes, tu feras pas 500 km. Là, mais, non, c'est sûr. Mais ça reste, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir. Ça sortir l'évolution sur la route. Ouais, ça va être bien. J'ai hâte de voir ça aussi. Ensuite, il y a une transmission à 10 vitesses et une nouvelle grille de calandre pour le GMC Yukon. Ouais, ça, c'est une petite nouvelle très, très rapide. C'est juste que GMC a annoncé récemment que dans le but de réduire la consommation d'essence de son GMC Yukon Denali, ben en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont remplacer la 8 vitesses qui est là actuellement par une 10 vitesses, qui est la même 10 vitesses qui a été développée par Ford et General Motors pour les produits, là, les camions, tout ça. Donc, F-150, le nouveau F-150 a la même transmission de 10 vitesses. Je pense que la nouvelle Mustang aussi va avoir la même transmission. Là. Ça va devenir la norme un peu partout. Là. C'est ça va être une transmission qui va être utilisée un peu partout. Donc, on utilise le même moteur V8 6.2 litres de 420 chevaux. On utilise la même carrosserie, le même châssis, tout ça. Et la seule chose qui change, ça va être la transmission et la grille de calandre qui maintenant est à volet actif, donc pour changer un petit peu l'aérodynamisme. Et on s'attend avec ça à des économies d'essence, disons, marginales, là. Mais ça devrait faire une petite différence quand même pour un véhicule qui n'est pas réputé pour sa faible consommation. Dans un an, ça va arrêter une fois de moins station. C'est à peu près ça, exactement. Ouais. Ensuite, on a plus de détails sur la Model 3, la voiture électrique. Bon, beaucoup de gens attendent. Oui, exactement. Il y a eu cette semaine un petit peu d'informations qui a filtré. En fait, c'est de l'information qui proviendrait d'un employé de Tesla qui aurait dévoilé, disons, clandestinement des diapositives d'une présentation qui comparait la Model S à la Model 3. Il y a certaines personnes qui ont dit que c'était une opération plutôt de relations publiques de la part de Tesla, mais en tout cas, ouais. Peu importe, on a l'information. Il faut faire attention, le coulage, là, ce qu'on appelle du coulage d'information, souvent c'est du coulage programmé. Là. Ça fait, ouais, ça fait partie du, ça fait partie du marketing d'une ouais, voiture. Ouais. C'est ça. Donc, ce qu'on sait, c'est que on parle d'un 0 à 60 000 à l'heure en 5,6 secondes, environ 346 km d'autonomie. Au niveau du design à l'intérieur, ça va être un design beaucoup plus minimaliste que ce à quoi Tesla nous habitue avec les modèles S et modèles X. Donc, on parle vraiment d'un tableau de bord tout à fait rectiligne avec un seul écran numérique qui va être placé en position centrale. Un petit écran de 6 pouces, tu sais. Non, ça va être beaucoup plus gros que ça. Non, mais... non, je sais. la Tesla Model S, elle a un écran gigantesque. Oui, c'est 10, 14 ou 17 pouces, si ma mémoire est... C'est presque un écran d'ordinateur. Oui, c'est ça. Et puis, pour la Model 3, on parle de 100 configurations différentes qui vont être disponibles. Si on fait une comparaison avec la Model S qui est disponible actuellement, Model S 0 à 60 000 à l'heure en 2,3 secondes, donc c'est beaucoup plus rapide que ce que la Model 3 va offrir. On parle d'une autonomie de plus de 400 km. Comme je vous le mentionnais, il y a deux écrans là, dans la Model S. Et fait intéressant, c'est vraiment en ce qui a trait aux configurations disponibles pour la Model S qui a vraiment une différence par rapport à la Model 3. Model S, on parle de plus de 1500 configurations différentes. Quand on parle de configuration, c'est couleur intérieure, les roues, les options, etc. Ouais, toit panoramique, pas toit panoramique, les sièges de bébé dans la valise, pas de sièges de bébé. C'est ça. Peu importe. Là, peu importe. Ouais, mais ouais. C'est-à-dire que la Model 3 va être plus simple que la Model S, ce qui va permettre à Tesla d'en vendre plus et d'être plus efficace sur la chaîne de montage. Au lieu de prendre du temps pour configurer la voiture pour qu'elle soit au goût de l'acheteur, ben l'acheteur va prendre la voiture telle qu'elle va sortir de la ligne de montage, disons. Oui, parce que 500 000 précommandes, il faudrait que ça sorte de l'usine. Hein? Il y a pas de... Faut que ça sorte vite, pas ça. Le temps de niaiser. Non, pas le temps de niaiser. Puis là, justement, parlant de ces commandes-là, ben, tu sais, une personne qui en commande une, Model 3 aujourd'hui, il y a plus d'un an d'attente. Donc... Ouais. L'autre avantage de la Model S qui est nommée par Tesla, c'est que pour avoir une Model S, si on la commande maintenant, il y a moins de 30 jours d'attente. Donc, c'est sûr que c'est pas le même prix, tu vas me dire, là, mais c'est ça. Ben, tu peux avoir presque deux ou trois modèles 3 pour une Model S bien équipée, mais bon. Ouais, les prix sont pas encore sortis, mais on verra comment la Model 3 va être, à quel prix elle va être vendue. Ben, il en a dit 35 000 US. On va voir. Puis une petite dernière, Subaru qui prépare un modèle STI. Ouais, ben en fait, c'est un petit teaser qu'on dit en bon français, là, une espèce d'aperçu que Subaru a laissé couler. C'est une image qui montre le coffre d'une voiture qu'on voit un peu par le haut. Puis on voit un gros aileron sur le coffre de la voiture, un aileron de type, moi j'appelle ça de type bande parc. J'allais dire tabac pique-nique, mais oui. Tabac pique-nique, bande parc. Ouais. Je pense, c'est pas péjoratif, mais c'est pour que les gens s'imaginent de quoi on parle. Avec l'inscription STI écrite sur le côté de l'aileron. Et on voit vraiment la voiture, tout ça. Donc, puis là, il est marqué que Subaru s'apprête à dévoiler ça pour le 8 juin prochain. Donc, amateurs d'automobiles, soyez à vos claviers, à vos écrans le 8 juin pour voir ce que Subaru prépare. Ouais, les rumeurs sont pour une BRZ, mais... Les rumeurs sont pour une BRZ, Subaru mais... a toujours dit qu'il n'y aurait pas de BRZ STI parce que les ventes de la BRZ n'étaient pas assez élevées. Ça justifiait pas. C'est mais ça. On verra. On verra. On va sûrement avoir l'occasion d'en reparler de toute façon. Super, Samuel. Ben merci encore une fois pour cette belle chronique. Fait plaisir. Puis on se reparle dans 2 semaines. C'est bon. Merci. Salut, Luc. Merci beaucoup. Bye. Nous, on fait une petite pause, puis on revient tout de suite avec Marc. Alors, nous sommes de retour. Et Marc, c'est l'heure de notre bloc essai. Tu veux nous parler D'un véhicule que, bon, j'ai conduit il y a quelques années, que j'avais beaucoup apprécié, qui est pas parfait, là, mais qui est quand même un véhicule intéressant. Le Ford C-Max Énergie. Tu as la version branchable. Oui, en fait, c'est qu'il il existe une version hybride standard et une version énergie qui est bon, que tu branches et qui est bonne pour 30 km en mode 100% électrique. Ouais. Je t'avoue honnêtement que j'avais testé ce véhicule-là en 2012 quand il est sorti, mais que je n'avais jamais eu l'occasion de me remettre au volant du véhicule. Quand je l'ai fait lundi passé, j'ai fait « Mon Dieu, c'est intéressant ». C'est honnêtement un véhicule dont on aurait davantage intérêt à parler du côté de chez Ford parce qu'il il affiche beaucoup, beaucoup de belles qualités. Mm-hmm. Au niveau du look et de la dimension, là, on va en parler un peu parce que beaucoup de gens ne savent pas du tout à quoi ça ressemble. C'est bâti sur une plateforme de Focus. Ouais. Donc, dès le départ, ça fixe à peu près là, la taille. La grosseur. C'est ce que les Français appellent un monospace. Mm-hmm. Donc, un véhicule qui est un peu surélevé avec de la place pour 5 passagers. C'est sûr que ce n'est pas ultra méga spacieux, mais honnêtement, le dégagement aux places arrière est intéressant et à l'avant, ça fait tout à fait le travail aussi. Ouais. Le gros bémol, en fait, c'est beaucoup l'espace de chargement. Quel espace de chargement? Non, en fait, il y en a parce que comme mais... il est haut, ouais. Ça permet justement d'utiliser tout le hayon arrière. Mais il y a une bonne partie du plancher qui est occupée par les batteries. Et ça, malheureusement, tu perds à peu près, là, je te dirais, 8 pouces de hauteur dans le coffre arrière. Ça, c'est évidemment le gros bémol par rapport à tout ça. Ouais. Pour le reste, j'ai été très impressionné, sérieusement. D'abord, la planche de bord n'est pas la planche de bord traditionnelle de Ford. C'est davantage une Ford européenne. Ouais. Donc, les commandes ne sont pas tout à fait au même endroit que les autres. On est plus dans un autre monde, mais on s'y habitue rapidement. Là, on n'est pas dépaysé. Il n'y a pas de problème. Et bien sûr, il y a le système Sync. Donc, ça te permet aussi d'être rapidement efficace avec ça. La conduite, elle est intéressante. C'est un véhicule qui a une bonne tenue de route, à ma grande surprise. Moi, je pensais que le centre de gravité plus haut nous entraînerait un peu d'un bord à l'autre. Pas du tout. Ça fait tout à fait bien le travail. C'est vraiment, honnêtement, impressionnant comme véhicule. Tu l'as dit, c'est pas parfait. La qualité de finition à l'intérieur, écoute, c'est un peu ordinaire. Les sièges sont en tissu, puis c'est pas nécessairement le grand confort, quoique c'est pas inconfortable non plus. Mais c'est pas une conduite sportive, là, hein? On va se dire les vraies affaires, là. Si vous cherchez quelque chose qui va vous décoiffer, c'est pas nécessairement le C-Max qui va le faire. Non. Malgré tout, écoute, c'est quand même 141 chevaux en mode combiné. C'est un petit moteur 4 cylindres 2 litres, en fait, qui est à l'intérieur. C'est vraiment, je trouve ça quand même très intéressant comme principe. C'est sûr que pour atteindre le 30 km, 32 que j'ai réussi à faire, j'ai conduit comme un conducteur de char électrique. Là. C'est-à-dire que j'étais en deçà de la limite permise et que je calculais toutes mes accélérations vraiment avec beaucoup, beaucoup d'imagination. Ouais, mais le système est efficace pour t'aider à gérer ça, par exemple. Quand tu comprends le système, là, c'est quand même facile à gérer tes accélérations puis à savoir si tu conduis bien ou moins bien. Exactement. Le gros défaut, je te dirais, c'est la consommation réelle de carburant. Ouais. Parce que je fais 6,4 à peu près actuellement. C'est pas mauvais, là. On s'entend pour dire qu'on n'est pas dans la catastrophe, bien loin de là. Mais je m'attendais, avec la motorisation hybride, à faire un peu moins que ça. Donc, à avoir quelque chose d'un peu plus efficace du point de vue consommation de carburant. Ouais. Surtout quand le véhicule est sorti, Ford annonçait des moyennes de comme 4,4 litres au 100 km. Ils se sont ravisés plus tard, là. C'est ça. Mais ouais, là, ça, ils annoncent de 5,8 à 6,2. Ouais, ce qui est... Oui, effectivement. Donc, on est vraiment dans un monde qui ressemble plus à la réalité. Mais honnêtement, l'autre élément qui est intéressant, c'est qu'on parle d'un véhicule qui se vend moins de 30 000 $. Oui. En version énergie, là, hybride branchable, c'est 29 828. On n'est pas loin de 30 000, on s'entend, mais on est quand même là-dedans. Je te rappelle qu'il y a à peu près 3 semaines, Toyota nous a annoncé sa Prius Prime exclusive au Québec à 35 000 $. Oui, oui, oui. Puis ça, c'est plus beau et c'est plus pratique, c'est plus spacieux qu'une Prius. Effectivement. Alors, évidemment, c'est peut-être pas la même qualité de finition, peut-être pas la même fiabilité, parce qu'on sait que Toyota, quand même, ils ont fait leur preuve avec la Prius. Mais sincèrement, c'est un véhicule qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup étonné. Un véhicule auquel, en fait, je ne m'attendais pas à ce genre de performance-là de la part de ce véhicule-là. Donc, je suis vraiment, vraiment agréablement impressionné. C'est quelque chose, honnêtement, je ne l'ai jamais recommandé ou très peu parce que je l'avais tout simplement oublié. Puis Ford n'en fait pas non plus une grande promotion, ce qui est un peu surprenant parce que c'est quand même un véhicule qui répond très bien aux normes zéro émission et tout ce que tu veux, là. Bon, oui. C'est un véhicule qui peut remplacer, genre, tu sais, quelqu'un qui se cherche comme un Kia Rondo, quelque chose de genre-là, là. Oui, effectivement. Ça peut remplacer ce genre de véhicule-là. Puis là, t'as un véhicule qui est hybride et rechargeable. Fait que c'est le meilleur des deux mondes, là, genre. Oui, exactement. Batterie de 7 kWh. Tu sais, c'est sûr que, regarde, là, si tu recharges juste la recharge sur le 110, comme je le fais ici, on parle d'à peu près 7 à 8 heures de recharge. Si tu as un 240, alors tu as ces 2 heures et demie à peu près de recharge. Mais honnêtement, ça fait tout à fait le travail et c'est, ma foi, très intéressant. Alors, ben, comme je dis, c'est un véhicule que moi, qui m'a beaucoup étonné, beaucoup impressionné. Mais je pense que tu en as essayé un toi aussi que tu as quand même bien aimé cette semaine. Oui, moi j'ai essayé le Soul SX Turbo 2017. Le Soul, on se le dit tout de suite, là, c'est un véhicule que t'aimes ou t'aimes pas. Hein, c'est pas, il n'y a pas comme d'entre-deux, là. Soit les gens l'adorent, soit les gens le détestent, le trouvent laid. C'est vraiment, mais c'est quelque chose qui sort un peu du lot. Mais toi, tu l'aimes beaucoup, là. Toi, c'est pas la première fois que tu essaies ce genre de véhicule-là. Non, non. Et tu trippes assez fort sur le sol. Moi, j'ai essayé toutes les versions du Soul. J'ai essayé la version électrique, j'ai essayé dans le temps aussi la version SX avec le moteur qui avait un moteur 4 cylindres non turbo. J'ai essayé pas mal de versions. Cette fois-là, c'est le SX Turbo. Et oui, c'est un véhicule que j'aime beaucoup. C'est un véhicule qui, même si l'extérieur, faut soit t'aimes pas, faut s'habituer. Moi, je l'aime en partant. Je trouve que c'est un véhicule qui a une belle petite bouille. C'est l'intérieur qui est quand même assez fonctionnel. Il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. Écoute, le Soul que j'ai, un toit ouvrant panoramique qui se rend jusque dans le coffre arrière. T'as vraiment l'impression que t'as un toit vitré complet. Puis ça donne vraiment un bel intérieur. Ça donne beaucoup de clarté à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup. T'sais, les cadrans sont faciles à lire. Le système de divertissement de Kia est super facile à utiliser. Tu sais, c'est peut-être pas le meilleur sur le marché, mais c'est loin, loin d'être le pire, là. Je les ai connectés son téléphone sur le Bluetooth, ça prend quelques secondes. Tu sais, l'écran tactile marche très bien, elle a changé pour la navigation et tout ça. Le système est vraiment, vraiment convivial. Fait que c'est un système de divertissement que j'aime beaucoup. Les sièges sont quand même confortables. Tu sais, c'est un véhicule qui répond pas mal aux besoins de tout le monde. Si vous passez son allure extérieure, là, tu sais, mais comme je dis, vous allez l'aimer ou vous allez pas l'aimer, c'est un des deux. Le coffre est pas énorme, mais c'est quand même assez grand pour faire une épicerie puis se promener un petit peu en famille. C'est sûr, si vous avez une grosse famille puis vous traînez 4-5 poches de hockey, non. Mais c'est, vous partez, vous avez un, deux enfants avec un petit peu de choses dans le coffre, c'est quand même assez grand. Pour aller faire l'épicerie la fin de semaine, c'est quand même assez grand. Les sièges arrière sont quand même confortables. Vous allez pouvoir asseoir deux adultes assez confortablement, un enfant peut-être au centre. Les sièges se rabattent 60-40 si vous voulez avoir plus de place dans le coffre. Je m'en ai servi justement hier. On fait des rénovations chez mes beaux-parents. Je suis allé acheter du plancher de vinyle, des lattes de plancher de vinyle. Puis on a embarqué ça dans le coffre, baissé des sièges, embarqué ça dans le coffre, j'en ai embarqué quand même pas mal, puis ça a super bien été. On était capable d'avoir un passager aussi en arrière. Donc, tu sais, c'est un véhicule qui répond aux besoins de la majorité des gens. Bon. En fait, le problème de ce véhicule-là, c'est pas ni la fonctionnalité ni le plaisir de conduite, non. c'est le look. Oui. C'est ça, c'est ce qui va arrêter les gens d'aller chercher ce véhicule-là, c'est son allure, comme je dis, t'aimes ou t'aimes pas. Fait que moi, c'est un véhicule que j'aime. Ma belle-sœur se magasinait une voiture et après avoir travaillé avec elle un peu pour trouver ce qui marchait pour elle, c'était un Soul qu'elle voulait avoir. T'sais. Elle me donnait ses critères, mais je dis, ben, t'as le Soul, c'est ça que tu veux. Puis c'est ça qu'elle a acheté au final. Donc, tu sais, fait que c'est un véhicule qui répond à ces besoins-là. Là, cette année, le SX Turbo a un moteur de 1,6 litres, un 4 cylindres de 1,6 litres qui développe 201 chevaux. C'est là un peu que j'ai un bémol. C'est une transmission à double embrayage à 7 vitesses. Mais j'ai le même système que sur le Sportage? Je pense que oui. Mais j'ai un problème où j'ai l'impression que la voiture manque de puissance. J'avais pas l'impression d'avoir 201 chevaux sous le pied. J'accélérais, puis il y avait comme un, tu sais, soit qu'il y a beaucoup de lag turbo ou quelque chose comme ça, il y a beaucoup d'attente entre le turbo, que le turbo se déclenche, parce qu'il y a comme t'écrases, puis il y a comme un délai, puis c'est pas satisfaisant. Fait que c'est un peu le problème que j'ai vu avec cette motorisation-là. C'est pas, ça me semble pas aussi amusant à conduire que le 2 litres turbo, que le, pas le 2 litres turbo, mais que le 2 litres que j'ai eu là, quelques années dans le SX, qui me semblait un peu plus, même s'il y a moins de puissance, ça me semblait un peu plus nerveux. Puis j'ai conduit d'autres véhicules avec, tu sais, le même type de moteur, le moteur, un moteur de 201 chevaux chez Kia et chez Hyundai, il est un peu partout. Puis me semble que ça avait plus de pep que ça. Puis lui, j'ai un petit peu de misère. Je veux dire, j'ai essayé de dépasser sur l'autoroute, puis j'ai essayé tous les modes. J'ai essayé le mode éco pour être le plus économe d'essence possible. J'ai essayé le mode sport. Puis même en mode sport, c'était pas ce que j'aurais pensé que c'était à 201 chevaux. Mais est-ce que c'est juste un problème peut-être avec le véhicule que j'ai? C'est-tu moi? Je sais pas. Fait que à 201 chevaux, ça devrait être plus amusant que ça à conduire, j'imagine. Fait que peut-être qu'il y a quelque chose avec mon véhicule, je sais pas. Mais pour le reste, je veux dire, c'est un véhicule qui est agréable à conduire. C'est un véhicule qui c'est le fun. Puis à l'intérieur, t'es confortable. Puis je veux dire, c'est un véhicule que j'aime beaucoup, peu importe là. Puis je m'attends pas à ce que ce soit une voiture de course non plus. Je m'attends à ce que ce soit un véhicule qui va être fiable, qui va être confortable, que je vais avoir du plaisir à le conduire autant sur l'autoroute que sur des plus petites routes. Puis que je vais pouvoir, si j'ai besoin, de baisser les sièges puis mettre du stock en arrière pour transporter des choses comme ça. C'est sûr, tu ne transporteras pas un 2x4 de 12 pieds, là. Mais tu peux quand même mettre des choses dedans si tu as besoin. Puis c'est un véhicule qui répond à tous ces besoins-là. Ouais, c'est un véhicule qui a une personnalité, en fait, qui est très particulière. Comme tu dis, on aime ou on n'aime pas, là, mais à tous les niveaux, ça a une personnalité très forte. Et je pense que ça, c'est intéressant de le rappeler. Ouais, puis il y en a beaucoup. Les Québécois semblent beaucoup aimer le Soul parce qu'il y en a beaucoup sur nos routes. Mais le Soul, écoute, c'est ce qui a relancé Kia. Hein. Ouais. Oh, ouais. On ne se cachera pas que c'est ça qui a permis de voir, de créer l'image de Kia avec Peter Schreier, ce que Peter Schreier a fait. Là. Ouais. Donc, c'est un bon petit véhicule. Il y a différentes gammes de prix. Ça commence à 19 150 pour la version de base à boîte manuelle. Puis, on monte pour la version la plus équipée, là, qui est la SX Turbo Technologie, là, qui va voir tous les systèmes d'aide à la conduite, qui est 31 850. Le modèle que j'ai entre les mains est 27 850. Puis là, on parle siège chauffant, volant chauffant et toit panoramique, vraiment à la grandeur, puis système de navigation et tout ça. Donc, c'est un véhicule qui est quand même super bien équipé, là. Puis les prix sont, il y en a pour à peu près tous les budgets. Ma belle-sœur a ramassé le LX à boîte automatique. Elle a la version de base avec une boîte automatique, là, c'est 21 850. Ça commence à être, tu sais, quand même intéressant. Donc, moi, je l'aime. Si vous l'aimez, allez l'essayer, là. C'est vraiment quelque chose de le fun comme véhicule, là. Moi, j'aime beaucoup le Soul. Donc, c'est pas mal ça. Ben, c'est bien, mon cher. Donc, on va faire une petite pause, Marc, puis on va revenir avec ton périple pan-canadien. Oui, Amari ou Squé Admari. C'est en plein ça. Alors, nous sommes de retour. Et Marc, tu vas nous parler de ton merveilleux et quoique très demandant petit voyage pan-canadien que tu as fait grâce à Mercedes-Benz. Tu nous avais parlé un peu de ce que ça allait être. Là, tu l'as vécu. C'était comment? Fatigant, trippant. Je repartirai lundi prochain. Okay. En trois mots, là, je pense que c'est pas mal ce qui résume mon expérience. Écoute, c'est un voyage complètement fou. Je rappelle aux gens qui n'ont pas écouté là, il y a deux semaines, l'idée, c'est que dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, Mercedes-Benz a décidé de faire un programme qui nous permettait de passer dans les 10 capitales provinciales du Canada, plus la capitale nationale, Ottawa. Okay. Tout ça au volant de l'un des cabriolets de la gamme. OK? C'est super le fun, c'est un beau défi. Dans les faits, c'était 2350 km de conduite, plus 9 vols en avion et 2 traversées en traversier. OK. Comment quand ça même fait du stock? Ouais, ça, entre le 21 et le 26. Donc, ça donne à peu près 6 jours, là. Sauf que la première journée, on est arrivé à Terre-Neuve et ça a été plus symbolique qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à Terre-Neuve, il y a une pancarte et un lieu qui s'appelle le 1000-0. Mm-hmm. Et c'est là que commence la transcanadienne sur la côte est. Okay. Fait qu'on a pris une photo et on a roulé en voiture Un gros 300 mètres, je te dirais. En fait, l'idée, c'était pas vraiment d'essayer une auto dans ce cas-là. C'était vraiment de dire qu'on avait roulé dans la capitale de Terre-Neuve pour pour dire qu'on l'avait fait. Il faisait frette, pas froid, là, frette. Il faisait 0, 1 degré, il y avait de la neige. C'était un peu fou comme température et on n'était comme pas équipé pour ça. Mais bon, on l'a fait quand même. Et je me suis fait screecher. Screecher, c'est peut-être quelque chose que tu ne connais pas Non. si tu n'es jamais allé à Terre-Neuve. Le screech, rapidement, c'est un rhum qui a été importé de la Jamaïque pendant des années et c'est un rhum qui est assez fort, qui est vendu là-bas. Et le screeching, c'est une cérémonie qui fait que tu deviens un Terre-Neuvien honoraire. Donc, ça implique, là, rapidement, là, du ballonné, une morue, un verre de rhum, puis un slogan dit en ancien Terre-Neuvien. OK? C'est évidemment, tu auras compris, un truc à touriste, mais très agréable. C'était la troisième ou quatrième fois que je le faisais. J'ai trouvé ça très drôle. Mais oui, j'ai embrassé une morue et oui, j'ai pris un verre de rhum. Ça faisait partie de la game. Non, au moins, il t'a pas fait couper tes bancs en deux. C'est pas super. Non, c'est ça, on n'est pas rendu là. Bref, après ça, le lendemain, on a pris l'avion. On s'est rendu très tôt le matin, 4h30, on partait de l'hôtel. On s'est rendu à Halifax. Et de Halifax, on a roulé jusqu'à Charlottetown d'une part et Fredericton d'autre part en passant par la baie de Fundy. Dans ce cas-là, ça s'est fait au volant des Mercedes SLC. On avait deux versions. On est donc parti avec la SLC 43 AMG, la première, qui est une voiture un peu plus performante, 362 chevaux, agréable. La SLC, cependant, ouais, c'est la SLC, c'est l'ancienne SLK. C'est un véhicule qui n'a pas beaucoup évolué au fil des ans. Oui, il y a eu un petit lifting, mais du point de vue mécanique et du point de vue surtout du châssis, ça a pas. C'est un châssis qu'on croyait extrêmement rigide. La SLC 43 a bien fait le travail, mais on était surtout sur autoroute et on n'a pas vraiment ressenti tout le plaisir qu'elle peut nous procurer. En revanche, quand on est parti de Charlottetown, où on a mangé en passant une poutine au homard absolument spectaculaire, au Chip Shack, pas loin du quai de Charlottetown, c'est vraiment là. Si vous passez par là, allez goûter à la poutine, elle est incroyable. Et on est reparti de là, traversé le pont de la Confédération et on s'est retrouvé à la baie de Fundy, mais cette fois en conduisant la SLC 300. Le moteur est beaucoup moins puissant, on parle de 241 chevaux, mais la maniabilité est incroyable. Pour le chemin qui nous a mené à la baie de Fundy, là, on est vraiment dans des dédales, c'est vraiment sinueux, on a vraiment poussé la machine un peu plus. Écoute, la voiture tient la route, honnêtement, au point où je me suis demandé pourquoi on avait fait une 43, là. Ça a vraiment fait le travail. Je dois préciser aussi qu'il ne faisait pas très chaud, mais que dans les Mercedes Cabriolet, il y a un petit système qui s'appelle le Air Scarf, qui est un petit jet d'air chaud qui est logé sous l'appuie-tête et qui vient vous shooter dans le cou, là. Que vous... Écoute, ça, là, ça, puis te faire flatter les cheveux, c'est pareil, là. C'est tellement agréable. Donc, on a conduit le toit baissé, peu importe la température. Ce qui m'a valu d'ailleurs un coup de soleil sur le nez, mais en tout cas. Et c'était vraiment très agréable. Sauf qu'on s'est aperçu que au bout de la route, quand on est arrivé à la baie de Fundy, le châssis avait un peu souffert, là. Il y avait quelques craquements qu'on n'entendait pas au début, mais ceci étant dit, c'est quand même très agréable. Et de là, on s'est rendu à Fredericton à la noirceur, d'où on est reparti le lendemain à la noirceur aussi. Donc, j'ai jamais vu Fredericton de jour. Et pour se rendre cette fois-là à Ottawa. Et là, de Ottawa jusqu'à Québec, on a partagé deux voitures, la Smart Cabrio d'une part et la SL 550 entre Joliette et Québec. La première partie avec la Smart, écoute, mon principal défi, ça a été d'enlever le toit, d'enlever les panneaux de côté, puis d'être capable d'installer le petit filet anti-turbulence. Il a fallu que la responsable de produit vienne nous aider là, parce qu'on avait un petit peu de misère. Une fois sur la route, cependant, la voiture s'est tellement bien comportée, ça en était surprenant. On était deux journalistes, moi qui est un peu plus large, mon collègue qui est un peu plus long. Donc, et on avait de l'espace. Évidemment, on avait une voiture escorte qui pouvait transporter nos valises parce qu'on n'avait pas la place à la serrer là-dedans, comme on ne l'avait pas dans la SLC d'ailleurs. Mais honnêtement, je m'attendais à me faire brasser un peu par le vent, ce qui n'a pas du tout été le cas. Honnêtement, la Smart a bien réagi aux vents latéraux. On n'a pas eu de problème. C'était agréable. C'est sûr que, regarde, ce n'est pas des accélérations de fou. 89 chevaux, tu te limites un peu, là. Tu fais des 0-100 avec un calendrier plutôt qu'avec un chronomètre, mais tu finis quand même par t'en sortir assez bien. Une fois rendu à Joliette, où on a mangé une poutine, c'était vraiment la haute gastronomie, là. On a mangé une poutine chez Henri. On nous disait que c'était la meilleure poutine au Québec, mais là, j'ai un doute. Excusez-moi, Jean de Joliette, là, mais j'ai un doute là-dessus. En tout cas, et on est parti de là avec la SL550, et là, cette fois, c'est le grand luxe. C'est une belle et grande voiture deux places qui a une qualité de finition et qui était magnifique, blanche avec un intérieur tan. Tu sais, quand tu trouves rien à dire contre une voiture, Ouais. j'ai juste roulé avec. Tout le long, il faisait un peu frais, il y avait du soleil. On s'est arrêté à Trois-Rivières, à l'amphithéâtre Cogeco, et on a pris des photos. Et c'est vraiment juste beau. C'est juste le fun. Alors ça a été très agréable. Rendu à Québec, on voulait aller faire un tour dans le Vieux-Québec, mais notre horaire était trop serré puisqu'on avait un vol le soir. Donc, reparti de là, rendu à Toronto, fait dodo à Toronto, juste pour dire qu'on y est. On repart direction Winnipeg. Winnipeg, qui est une ville qui est relativement belle, je dois dire. Moi, On est allé. On est allé dans le coin du Musée des droits de l'homme, qui est un édifice magnifique. On est allé dans le coin de Forks, qui est un endroit un peu mythique à Winnipeg. Et on est allé visiter Saint-Boniface un peu. Tout ça au volant des C. La Mercedes C300, en fait, avec laquelle on est parti. Une voiture qui est probablement ma préférée de toute la gamme, qui est la mieux équilibrée, qui est vraiment confortable, qui est assez spacieuse, qui a une tenue de route vraiment incroyable. Et là, on s'est rendu jusqu'à Regina. Entre les deux, on s'est arrêté dans des petites villes, entre autres pour prendre le volant de la C43 AMG. Encore une fois, on a apprécié la puissance, mais on est en ligne droite sur autoroute. Et quand on vous dit dans les prairies que c'est long et plat, croyez-moi sur parole, c'est vrai. Quand il y a une courbe ou une côte, on met quasiment une affiche attraction touristique, là. C'est vraiment là. C'est plat, plat, plat. On a quand même vu des affaires intéressantes, entre autres, bien sûr, les fameux élévateurs à grains de la Saskatchewan qui sont une tradition. Et à Portage-la-Prairie, on s'est arrêté pour aller voir la plus grosse canette de coke au monde. Ouais, j'ai vu ta photo. C'est une espèce d'attrape-touriste incroyable. Ça sert absolument à rien. Ça aurait bien besoin d'être peint. Mais on a vu la plus grosse canette de coke au monde, comme on avait vu le plus gros homard au monde à Shediac, au Nouveau-Brunswick. Donc, on était dans les premières mondiales là, dans cette tournée-là. C'était super intéressant. OK. Parti de Regina, arrivé à Calgary. Et là, on est allé se promener à Canmore jusqu'à Edmonton, au volant de la classe S. Là, ce qui nous a joué des tours, c'est la température. C'est le seul endroit où on a un peu fermé le toit et on s'est fait pogner par de la grêle. On est parti en dérapage. Ça a été un peu stressant parce que là, vraiment, on s'est retrouvé avec une voiture quand même qui vaut quelques dollars. La classe S, c'est la plus grosse des cabriolets de Mercedes. Tous les systèmes embarqués sont électroniques, ont bien fonctionné. On s'est vraiment retrouvé sous la grêle, là, une solide grêle. Et j'étais en train de faire un changement de voie quand la voiture a décidé qu'elle partait de côté. Non. Je l'ai ramenée tout simplement et agréablement. Heureusement, on avait fermé le toit avant. Mais il y a une espèce de proverbe en Alberta qui dit si t'aimes pas la température, attends 5 minutes. Ouais, Alors, c'est à peu près ça. Ouais. 5 minutes plus tard, il y avait du soleil et c'était très beau. Donc, on s'est rendu jusqu'à Edmonton comme ça. Et de Edmonton, on a volé par-dessus les Rocheuses pour aller à Vancouver. Vancouver, d'où on est parti pour notre dernière portion vers Victoria. Et là, on le fait en deux volets. Le premier volet avec la C 63 AMG S, la voiture la plus puissante qu'on a conduite toute la semaine, un peu plus de 500 chevaux. Écoute, on l'a apprécié, c'est la sonorité surtout qu'on a apprécié de ce véhicule-là, mais évidemment, on n'a pas pu en tirer profit puisque quand tu arrives sur l'île de Vancouver, il y a beaucoup, beaucoup de circulation, c'est des routes qui sont relativement achalandées et très sinueuses. Alors, on s'est arrêté pour dîner dans un petit café tout à fait agréable et on est revenu par la suite vers Victoria au volant de la SLC. Qui a vraiment fait le travail. Et là, on est allé à Victoria, au 1000 zéro de la Transcanadienne. Donc, on est allé au 1000 zéro de l'Ouest. Je peux donc dire que j'ai parcouru la Transcanadienne d'un bout à l'autre. Ce que ça m'a appris surtout, d'une part, c'est que le Canada est un très grand pays qui a beaucoup de changements d'une province à l'autre, que c'est vrai que les prairies, c'est plate en tabarouette, mais surtout que les Mercedes-Benz cabriolets sont étonnamment capables d'affronter à peu près toutes les conditions. Honnêtement, je m'attendais à avoir plus de difficultés avec certaines, de trouver le temps long dans d'autres. Et ça s'est vraiment fort bien déroulé. Comme je t'ai dit, 2 400 km ou à peu près conduit en 5 jours ou un peu moins. Donc, faites le calcul, là, c'est 500 600 km par jour parce que la dernière journée, on n'en faisait que 200. Donc, vraiment, vraiment une belle expérience. Je me suis revenu avec un teint bronzé et un nez qui pèle, mais vraiment très, très, très content de la chose. Ça doit être un cauchemar d'organisation, ça, cet Ben, événement-là, ça a dû être vraiment quelque chose pour les gens de Mercedes d'organiser ça, là, avec ben des... oui et non, parce qu'il faut préciser qu'on était quand même un très, très petit groupe, hein. On était 6 journalistes à peine. Donc, ça prenait comme juste 4 voitures, parce qu'on avait un photographe avec nous, là. Et les voitures changeaient, c'est-à-dire que c'était pas toujours les mêmes qu'on déplaçait d'un endroit à l'autre, là. Non, mais c'est ça, mais quand même, ça te prend des voitures à certaines places. Faut, tu sais, les vols, les hôtels, Ah oui, le c'est ça. tracé, c'est quelque chose quand même. Mais le tracé n'était pas fait. C'est-à-dire qu'on partait du point A, on savait qu'on s'en allait au point B et qu'il fallait être là à telle heure. OK. Donc, c'est nous qui choisissions les routes qu'on voulait prendre. Évidemment, les délais étaient serrés. La plupart du temps, on devait parcourir l'autoroute, mais on a fait des écarts, là. Comme je te dis, quand on s'est retrouvé à Portage de la Prairie, c'est parce qu'on voulait faire une petite pause pipi, puis qu'on a vu dans les annonces sur TripAdvisor qui parlait de la grosse canette de coke. Quand on a décidé de faire le détour par Shediac, c'est que moi, je connaissais l'existence du fameux homard et que j'ai décidé d'aller faire une photo de la voiture avec le homard. T'sais, c'est vraiment là, on était libre de notre trajectoire en autant qu'on respectait l'horaire. OK, c'est bon. Donc, tu as eu du plaisir, puis tu repartirais lundi. Ah, écoute, j'ai adoré ça. Allez voir sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, il y a des tonnes de photos. J'ai eu un petit problème technique avec mon blog. J'ai posté les 2 premières journées. Les 2 autres devraient arriver au cours des prochaines heures parce que ça a vraiment été difficile. Mais vous allez voir, il y a des photos absolument magnifiques et des expériences incroyables. Super. Donc, Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben, je pense que la méthode la plus facile, c'est marcbouchard.ca, qui est le site, le blog, où vous avez toutes les coordonnées pour ma page Facebook, mon compte Instagram, mon Twitter, qui est Marc souligné Bouchard, mon courriel aussi. Et vous pouvez voir quelques photos et lire quelques aventures que j'ai faites. Sinon, ben, il y a toujours notre adresse courriel commune, info à saroulradio.com, qui est une adresse où on reçoit les courriels, Luc et moi. Donc, on est en mesure de vous répondre. Oui. Quant à toi, comment on fait pour te rejoindre, mon cher Luc? Sur Twitter, Ascalazormo, c'est pas mal ça. Après ça, ben, il y a les comptes Ça roule radio et sur Facebook et sur Twitter. Donc, vous pouvez nous écrire aussi par là. Puis, il y a notre site, saroulradio.com, où vous pouvez aller voir les émissions, les télécharger directement sur votre ordinateur si vous n'avez pas de téléphone intelligent. Vous pouvez même cliquer sur le petit bouton Play et vous pouvez l'écouter directement sans le télécharger. Vous pouvez l'écouter en ligne à partir du site. Juste aller saroulradio.ca, choisissez l'émission que vous voulez écouter et puis dans le meilleur des mondes, toutes. Et puis, après ça, vous faites play, vous l'écoutez et vous pouvez passer à la prochaine ensuite. C'est pas mal ça. On est aussi diffusé sur sportradio.ca et sur Radio H2O. Donc, si ça vous tente de nous écouter quand on est diffusé, allez voir les sites respectifs, regardez les horaires et on est diffusé là souvent pendant les fins de semaine. Je peux-tu prendre 2 secondes? Deux Oui, secondes. oui. On était auparavant diffusé sur Radio Highway. Je veux saluer les gens de Radio Highway qui ont fermé leur poste de radio pour des raisons personnelles, là. C'est des gens qui s'en occupaient bénévolement et qui ont été incapables à cause de raisons familiales de poursuivre l'opération. Ça a duré pendant quelques années. C'était un poste qui était super important pour les camionneurs. Alors, un coup de chapeau à Serge Terrien, Karine, Simon et à tous ceux qui ont travaillé à Radio Highway. Je pense que ça mérite un petit bonjour. Oui, parfait, je suis parfaitement d'accord avec ça. Donc, Marc, on termine là-dessus et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye.